un bout de terrain désert. Le ciel sans nuages est d'un bleu de pierres précieuses. D'immenses blocs de pierre blancs gisent parmi les herbes folles, molaires perdues par un peuple de géants. Sur leur gauche, serpentant à perte de vue au bord d'une voie encombrée, s'étend une muraille compacte mais délabrée, hérissée de touffes d'herbes et ponctuée tous les 50 mètres de larges tours éprouvées par le temps. Constance a l'impression que tous ses neurones se sont embrasés. On lui avait raconté que la Terre n'était qu'une ruine. Comme tu le sais déjà, nous nous déplaçons trop vite pour pouvoir recevoir de nouvelles données. Ces images d'Istanbul montrent ce qu'elle était il y a 60 ans, peut-être 70. Tout dépend de la date de collecte. En tout cas, c'était avant que nous ayons quitté l'orbite terrestre basse. Toutes ces herbes, des feuilles qui ressemblent aux lames des ciseaux de couture de mer, d'autres qui ont la forme des yeux de Jessica, et ces frêles fleurs pourpres au bout de minuscules tiges vertes. Père a si souvent évoqué la splendeur des plantes sauvages. Tout près de son pied, une pierre mouchetée de noir. Serait-ce du lichen ? Père en parle sans arrêt. Elle tend la main pour le toucher, mais ses doigts passent au travers. « Tu peux uniquement regarder, » lui dit Mrs. Flowers. « Dans l'Atlas, le sol est le seul élément solide. Je te le répète, les enfants y reviennent rarement une fois qu'ils ont testé des choses plus récentes. » Elle emmène Constance face à la muraille. Rien ne bouge alentour. Tôt ou tard, mon enfant, tout ce qui vit finit par mourir. Toi, moi, ta mère, ton père, tout et tout le monde. Même les blocs de calcaire qui ont servi à bâtir ces murailles se composent en grande partie des restes de créatures disparues depuis bien longtemps, coraux ou escargots. Viens avec moi. Quelques figures humaines se tiennent dans l'ombre de la tour la plus proche. Une première qui lève les yeux, une deuxième saisie au moment où elle gravissait un escalier. Constance voit une chemise boutonnée, un pantalon bleu, les sandales d'un homme et la veste d'une femme, mais les visages ont été floutés par le logiciel. Respect de la vie privée, explique Mrs. Flowers. Elle désigne un escalier tournant qui monte vers la tour. Allez, on y va. Mais je croyais qu'il n'y avait que le sol de ferme. Mrs. Flowers lui sourit. Promène-toi assez longtemps là-dedans, ma chérie, et tu découvriras quelques secrets. À mesure que la fillette prend de la hauteur, la ville se déploie sous ses yeux, largement étalée des deux côtés des antiques remparts. Antennes, automobiles, bâches, un immeuble percé d'une multitude de fenêtres, le tout figé dans l'instant. Elle s'efforce d'embrasser la scène du regard, la respiration suspendue. Tout au long de l'histoire de notre espèce, nous avons essayé de vaincre la mort. Grâce à la médecine et à la technologie, en accroissant notre puissance, en entreprenant des voyages ou en racontant des histoires. Mais personne n'y est parvenu. Depuis les hauteurs de la tour, Constance regarde en bas, prise de vertige. La brique rouille, le calcaire qui contient des créatures mortes, le rideau ondulant de lierre vert. C'est trop pour elle. Mrs. Flowers poursuit. Cependant, certaines de nos créations survivent bel et bien. Vers l'an 410 de notre ère, l'empereur qui régnait sur cette ville, Théodose II, a fait ériger ses fortifications, 6 kilomètres de maçonnerie qui devaient rejoindre les 12 kilomètres de défense maritime déjà existantes. Les remparts de Théodose possédaient une muraille extérieure de 2 mètres d'épaisseur et 9 mètres de hauteur, ainsi qu'une muraille intérieure de 5 mètres d'épaisseur et 12 mètres de hauteur. Va savoir combien de corps humains ont été broyés au cours de leur édification. Un insecte minuscule a été capté dans sa traversée de la rambarde, juste devant Constance. La carapace luisante est d'un noir bleuté. Les pattes ont des articulations incroyables. Un cafard. Pendant plus d'un millénaire, ces murailles ont repoussé toutes les offensives, reprend Mrs. Flowers. Les livres étaient réquisitionnés dans les ports et on ne les restituait que lorsqu'ils avaient été copiés, à la main naturellement. Certains estiment qu'à diverses époques, les bibliothèques de cette ville renfermaient un plus grand nombre d'ouvrages que toutes les bibliothèques du monde réunies. Au fil des siècles, la cité a subi séismes, inondations et attaques. Ses habitants ont uni leurs forces pour consolider les remparts, luttant contre les mauvaises herbes et la pluie qui ruisselait dans leurs lézardes. Et le temps où il n'existait pas a fini par disparaître des mémoires. Constance tente d'effleurer l'insecte, mais la rambarde se décompose en pixels et, cette fois encore, ses doigts passent au travers. « Toi et moi, nous n'atteindrons jamais Betahov 2, ma chérie. Et c'est une douloureuse réalité. Mais avec le temps, tu en viendras à comprendre combien il est noble de participer à une entreprise destinée à nous survivre. » Les murs sont figés. Les gens ne respirent pas. Aucun arbre ne remue. Les véhicules restent immobiles. Le cafard est pétrifié pour toujours. Une idée frappe alors Constance, ou un souvenir revisité. Les enfants de 10 ans qui l'ont précédé, nés à bord de l'Argos comme mère, et qui se sont réveillés le matin de leur journée bibliothèque en rêvant du moment où ils se poseraient enfin sur Betahov 2, quittant l'enceinte du vaisseau, ils rêvaient d'abris à bâtir, de montagnes à escalader et de formes de vie à découvrir, une autre terre à explorer. Et quand ils sont sortis des cabines après la journée bibliothèque, ces enfants n'étaient plus les mêmes. Le front creusé de sillons, les épaules affaissées, l'éclat de leurs yeux ternis. Ils ont cessé de galoper dans les coursives, se sont mis à avaler des somnipastilles à l'heure de l'extinction. Parfois, Constance voit des enfants plus âgés qu'elle fixer leurs mains ou les cloisons du vaisseau, ou passer le dos voûté et l'air accablé devant l'espace communautaire, comme s'ils portaient un sac en pierre invisible. Toi, moi, ta mère, ton père, tout et tout le monde. Mais moi, je ne veux pas mourir, dit Constance. Mrs. Flowers lui sourit. Je le sais bien, ma chérie. Et tu as encore beaucoup de temps devant toi et un voyage extraordinaire à effectuer. Viens, il faut que nous partions. Le temps s'écoule bizarrement là-dedans. C'est déjà l'heure du 3e repas. Elle prend Constance par la main, puis elles s'élèvent ensemble au-dessus de la tour. La ville s'éloigne. Un détroit apparaît. Ensuite, ce sont des mers et des continents, et la terre rapetisse pour redevenir un simple point. Elles sortent de l'Atlas et réintègrent la bibliothèque. Dans l'atrium, le petit chien remue la queue, une patte appuyée contre la jambe de Constance, et Mrs. Flowers couvre la fillette d'un regard bienveillant pendant que l'énorme Atlas défraîchi se referme et s'envole pour regagner son rayonnage. Le pan de ciel est à présent bleu lavande. Les livres qui circulent dans les airs se font moins nombreux. La salle s'est presque vidée. Constance a les mains moites et des douleurs dans les pieds. Quand elle songe aux plus petits qui doivent à cet instant courir dans les couloirs pour aller manger, un sentiment de détresse la traverse comme une lame. Mrs. Flowers fait un geste en direction des rayonnages sans fin. « Mon enfant, chacun de ces livres est un portail, une ouverture qui te donne accès à un autre lieu, à une autre époque. Tu as toute la vie devant toi et ils ne te feront jamais défaut. Cela devrait suffire, tu ne crois pas ?